Le secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao et président de la République démocratique populaire Lao, Bunyang Vorachit, a fait parvenir un message de réponse au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a formulé sa vive reconnaissance au maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, qui a formulé les félicitations et vœux à l'occasion du 79e anniversaire de sa naissance. Il s'est convaincu du développement continu des rapports d'amitié traditionnels entre les partis, les États et les peuples de deux pays. Il lui a souhaité santé et bonheur, ainsi que succès dans son noble travail.